du monde perdront une débat amiée pour rassembler l'unité. Les jeunes du monde rêvent de contes de fées, mais dans l'immonde on y voit là les faits. Les jeunes du monde partent en groupe familier pour rassembler l'unité. Les jeunes du monde rêvent de contes de fées, mais dans l'immonde on y voit là les faits. On m'a jamais prévenu que la vie serait dure. Quand tout va bien, ça va pourvu que ça dure. Y'a pas de remède au mal, pas comme la cam à la ceinture. Quand tout va mal, on accuse le gros, on dit qu'à bien, même si c'est dur. Chacun sa façon d'appréhender les choses. Un gosse chiale parce qu'on lui dit que le Père Noël n'existe pas, tandis que des clous, donc rêve de froid. Un calme et chose pour oublier, faire sa route avant de juger et pas penser plus vite à vie, c'est pitch. Les jeunes disent, attisent, la haine que le préfile dans mes prises. Une génération psychanalyse. Nos bravos les interdits pour récupérer notre liberté mentale. Trop de censure d'expression explicite est mon analyse. Reste méfiant. Donc je ne dis pas tout, car encore un sujet de tabou. Une société timide, j'avoue. Alors que presque tous ont fait mai 68. Les jeunes du monde partent en route d'une famille pour rassembler l'unité. Les jeunes du monde rêvent de contes de fées, mais dans l'immonde on y voit là les faits. Les jeunes du monde partent en route d'une famille pour rassembler l'unité. Les jeunes du monde rêvent de contes de fées, mais dans l'immonde on y voit là les faits. Rapper pour rassembler l'unité, mais qui est prêt à se mouiller pour nous sauver. En effet, personne pour nous aider, c'est ce qu'on doit se débrouiller. Je continue à les voter sachant que rien va changer. Jeunesse du monde déboussolée, contre l'état enragé, des textes engagés. Ma haine, j'ai un craché, sacré la ministre mec, mon loto cocktail est pavé, alcoolique et drogué, délinquant présumé. Depuis le début condamné, avant même d'être jugé. Monsieur les dirigeants, rappelez vos agents. La mort n'a rien à rendre, on n'attaque pas, on se défend. 85 est notre département. Une cabane en guise de baraquement. Sauvage et débarquement. M2O, ASP, CK, des micros comme armement. Les jeunes du monde partent en route d'une famille pour rassembler l'unité. Les jeunes du monde rêvent de contes de fées, mais dans l'immonde on y voit là les faits. Les jeunes du monde partent en route d'une famille pour rassembler l'unité. Les jeunes du monde rêvent de contes de fées, mais dans l'immonde on y voit là les faits. Aujourd'hui on est sur terre, demain peut-être au paradis en enfer. La vie ne fait pas cadeau, même si j'ai la chance de pas connaître les barreaux. Je brandis le micro en guerre permanent contre les fachos. Unis pour défendre nos opinions, nos textes sont ce que nous ressentons. Je suis franco-portugais, je défends les deux terres. Je représente mon père et ma mère. Je leur ai causé tant de peine, c'est dans mon cœur trop de haine. Un jour je veux qu'ils soient fiers, à présent je brandis notre bannière. M2O pour rassembler les peuples de la terre. OMIC obligé de représenter ceux qui étaient là, qui m'ont aidé. J'ai pas d'exemple à donner, mon quotidien boulot, bédo dodo. Le rap a moyen d'expression, je libère la pression. Attraper le micro, poser son flow, avoir l'art de manier les mots. RDV, le blason, le rap, une potion. Les jeunes du monde partent en route d'une famille pour rassembler l'unité. Les jeunes du monde rêvent de contes de fées, mais dans l'immonde on y voit là les faits. Les jeunes du monde partent en route d'une famille pour rassembler l'unité. Les jeunes du monde rêvent de contes de fées, mais dans l'immonde on y voit là les faits.